بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. ثم أما بعد، c'est notre deuxième assise autour dans le commentaire de cette conférence de Cheikh Abd al-Razzaq Hafidahullah, intitulée le fait de suivre la guidance, le fait de suivre le livre et les messagers alayhi salam. Et nous sommes arrêtés à ce passage. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ويوم ونحشره يوم القيامه اعمى. فيقول حفظه الله تعالى الكافر يوم القيامه يحشر اعمى، والمراد هنا عمى البصر. ياتي الناس يوم القيامه وهم يبصرون ويشاهدون ما امامهم، إلا أن الكافر يوم القيامة يأتي ولا يرى شيئا ولا يبصر شيئا ولا يسمع شيئا، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Et nous sommes arrêtés à ce passage où il recite, حفظه الله تعالى, le verset avec lequel, l'un des versets avec lequel il a démarré cette conférence. Et après avoir vu ce qui découle du fait d'être dans la guidance et avoir vu ce qui arrive au mécréant, il recite ce passage, ce verset, où la traduction approximative dit « Celui qui suit la guidance », c'est-à-dire le livre et les prophètes, celui-là, il ne sera pas égaré ni malheureux. Et celui qui se détourne de ma révélation, il aura une vie pénible, et le jour de la résurrection, nous allons le ressusciter à Ama. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le mécréant, le jour de la résurrection, sera ressuscité aveugle. Et si, ça veut dire qu'il va être ressuscité non-voyant, alors qu'il voyait dans ce bas-monde. Il arrive le jour de la résurrection, les gens vont voir, et lui, il sera aveugle, il ne verra pas ce qu'il y a devant lui. Il arrive le mécréant, il ne verra rien de ce qui est devant lui. Il n'entendra rien non plus, parce qu'il sera ressuscité, aveugle, sourd et muet en plus. Et ceci est prouvé par le verset qu'a cité Cheikh par la suite, dont la traduction approximative dit ceci, « Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, c'est le guidé. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, tu ne lui trouveras aucun allié en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sera son allié. Et nous allons les ressusciter le jour de la résurrection sur leur visage. » C'est-à-dire ils vont traîner sur leur visage. Ils vont marcher sur leur visage le jour de la résurrection. Ils seront muets, sourds et aveugles. Et leur demeure sera l'enfer. Et ce feu, chaque fois qu'il faiblit, il redémarra de plus en plus ardent. Le kafir yawm al-qiyama, yaqulu al-shaykh hafidhahullah, yuhsharu ila jahannam a'ma la yara, wa abkam la yatakallam, wa asam la yasma', yuhsharu ila jahannam bihadihi al-tariqa. بل كما قال الله عز وجل فيما سمعتم يحشرون على وجوههم، يعني يحشر إلى النار، يمشي إلى النار على وجهه، يأتي إلى النار منكسا على وجهه. حتى إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه. Et donc, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le mécréant, le jour de la résurrection, il sera ressuscité pour aller en enfer, il sera aveugle, il ne verra rien, il sera sourd, il n'entendra rien, il sera muet, il ne pourra pas parler. Ainsi, ils vont être ressuscités pour aller vers l'enfer. Et en plus de ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans ce verset, il va aller vers l'enfer sur son visage, en marchant sur son visage. Hein? Il sera à l'envers, tout à l'envers. Alors que dans son bas monde, il marchait sur ses pieds. Là, non. Il sera dans cette horrible situation, marchant sur son visage, traînant sur son visage. À tel point qu'un des nobles compagnons, Ridwanullah Alim, a dit, « Ya Rasulallah, comment le mécréant, le jour de la résurrection, marchera sur son visage ?» Comment ? لأن الله عز وجل بين في القرآن أن الكافر يأتي إلى النار حتى يلقى فيها على وجهه يمشي أرجله إلى أعلى ووجهه إلى أسفل ويمشي على وجهه إلى أن يقع في النار. Ce compagnon a posé la question, pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce détail que le mécréant arrivera pour aller vers l'enfer marchant sur son visage, ses pieds vers le haut et son visage vers le bas, jusqu'à tomber dans le feu de l'enfer. فأحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يمشي الكافر على وجهه بماذا جابه عليه الصلاة والسلام قال إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه في النار. الذي أمشاه على القدمين وجعله قادرا على أن يمشي على قدميه في هذه الحياة قادر يوم القيامة على أن يجعله يمشي على وجهه إلى أن يقع في نار جهنم. L'un des nobles compagnons a posé la question au prophète عليه الصلاة والسلام, Ya Rasulallah, comment on va marcher? Comment il pourra marcher le mécréant sur son visage? Comment? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le messager عليه الصلاة والسلام? Lui a dit, celui qui a fait qu'il marche sur ses pieds dans ce bas monde, ben il le fera marcher sur son visage pour aller en enfer le jour de la résurrection. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait marcher sur ses pieds dans ce bas monde, le jour de la résurrection, il fera marcher sur son visage pour qu'il aille en enfer. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est capable, comme il l'a fait marcher dans ce bas monde sur ses pieds, capable de le faire marcher, hein, sur son visage pour qu'il tombe dans le feu de l'enfer. وليتصور المسلم العاقل هذا المنظر الفظيع عندما يأتي الكافر إلى نار جهنم بهذه الصورة الشنيعة الفظيعة التي يهتز لها القلب ويتأثر منها الفؤاد. يأتي يوم القيامة والله أعمى وأصم وأبكم ويمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم ويخلد فيها أبد الآبدين. يلقى في النار منكسا ويأتي على وجهه منكسا لأنه نكس دينه ونكس عبادته ونكس عقيدته ونكس متابعته لهدى الله تبارك وتعالى فعومل من جنس عمله. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que le musulman doué de raison essaye de s'imaginer cette horrible image. Bon, le mécréant va arriver marchant sur son visage. Cette horrible image, hein, de laquelle le cœur sera affecté de voir cette horrible image. Hein, il dit, le mécréant arrivera par Allah aveugle, sourd, muet, marchant sur son visage, jusqu'à ce qu'il tombe dans le feu de l'enfer où il restera éternellement. Hein? À l'envers. Il arrive, marchant à l'envers, sur son visage. comme il a fait les choses à l'envers dans sa religion, il lui arrive la même chose le jour de la résurrection. Il a renversé son adoration. Au lieu de l'avouer pour Allah, il l'avouait pour Shaitan et pour ses passions. Hein? Il a renversé ses croyances. Et il a renversé le fait de suivre les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah, les messagers, etc. Donc, il est compensé selon son œuvre. Comme il a tout fait à l'envers, ben il marchera à l'envers sur son visage jusqu'à tomber dans le feu de l'enfer. La récompense découle des œuvres. Hein? Comme il a fait, lui sera fait. Tout à l'envers, ben il arrivera à l'envers. Hein? يأتي أعمى وإن كان يبصر في هذه الحياة قال الله جل وعلا في آية أخرى ومن كان في هذه أعمى يعني في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا المراد بقوله ومن كان في هذه أعمى يعني أعمى البصيرة لا يتبع هدى الله ولا يمتثل أمر الله ولا يتبع ما جاءت به رسل الله من كان أعمى البصيرة في الدنيا يكون يوم القيامة أعمى البصر ويحشر يوم القيامة أعمى البصر لا يرى شيئا donc le mécréant il arrivera aveugle, il verra rien du tout, alors que dans ce bas monde il était voyant, il voyait tout. Dans un autre verset dans sa traduction approximative, wa alaykum salam wa rahmatullah, il est dit celui qui était dans ce bas monde aveugle, hein, il le sera aussi dans le delà, et plus égaré encore. Et celui, ça veut dire que celui qui était aveugle dans ce bas monde, ça veut dire qu'il n'avait aucune clairvoyance. Il n'a pas suivi la guidance d'Allah. Il ne s'est pas soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas soumis aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas suivi ce que les messagers ont transmis, alayhi salatu wassalam. Donc il était aveugle au niveau de sa clairvoyance. Aucune clairvoyance dans ce bas monde. Donc dans le delà, il sera non-voyant. Il ne verra rien avec ses yeux. Il sera ressuscité le jour de la résurrection, il ne verra rien avec ses yeux. « Thumma ma da yaqulu wa huwa fi hadhihi al-hal » قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أنا كنت في الدنيا بصيرا أرى الأشياء لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Et puis dans cette situation il va dire, comme il est dans la traduction approximative du verset, ce vrai, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que dans le bas monde, dans dunya, j'étais voyant. Dans ce bas monde, j'étais voyant, je voyais toutes les choses. Pourquoi je suis ressuscité aveugle ? La réponse lui vient. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. فالهول عظيم والمطلع فظيع والموقف شديد. هذا شأن من لم يتبع هدى الله وهذه عقوبته وهذه خسارته في الدنيا والآخرة. Il dit, حفظه الله, qu'est-ce qu'il va dire ce mécréant quand il se voit dans cette situation là aveugle? Il dira comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran dans cette traduction approximative, ce vrai, pourquoi je suis ressuscité aveugle alors que dans ce bas monde je voyais. Dans ce bas monde, je voyais tout. Pourquoi maintenant je vois rien? La réponse lui est qu'il fracasse arrive. Dans cette traduction approximative du verset, ainsi, notre révélation t'est arrivée et tu l'as oubliée. Aujourd'hui, on t'oublie aussi. Et ainsi, sera la récompense de ceux des outranciers qui ont dépassé les limites et qui n'ont pas cru en la révélation de leur sevrat, et le châtiment de l'au-delà est pire et éternel. Donc la situation est énorme, dit Cheikh. Horrible. Et le châtiment est énorme. Et ça, c'est les situations de ceux qui n'ont pas suivi la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'ont soit pas suivi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le messager alayhi salatu wassalam. Ça, c'est leur châtiment. Et ça, c'est leur faillite dans ce bas monde et dans le delà. Et leur perte dans ce bas monde et dans le delà. يقول حفظه الله نعود أيها الإخوة إلى من اتبعه هدى الله يقول أشرت قبل قليل إلى ما يحصله من اتبعه هدى الله عز وجل من فضل وأجر وثواب في الدنيا والآخرة لكن ها هنا يأتي سؤال كبير في غاية الأهمية وهو كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله قل هذا أهم سؤال في هذا الموضوع كيف يكون الإنسان متبعا لهدى الله il dit حفظه الله frère nous revenons vers ceux la situation de ceux qui ont suivi la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout à l'heure j'ai fait allusion et j'ai cité ce qu'il récolte comme récompense et les bienfaits qui ont découlent du fait de suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Les grands bienfaits et les récompenses qu'il aura dans ce bas monde et dans le delà. Mais il dit, mais là, il y a une question énorme, une grande question, d'une importance énorme. Comment l'être humain peut être dans le suivi de la guidance d'Allah? Il a dit, ça, c'est la question la plus importante dans ce sujet. Comment l'être humain peut être dans la guidance d'Allah? يقول يكون الإنسان متبعا لهدى الله بأمرين اثنين. Il dit la personne va être dans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec deux choses. الأمر الأول تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. والأمر الثاني امتثال أمر الله تبارك وتعالى من غير اعتراض شهوة تمنع من امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار دين الإسلام. Il dit le premier point c'est le fait de prendre comme véridique tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé sans opposer à ses annonces des ambiguïtés qui vont dénigrer le fait de prendre comme véridique ce qu'on a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans opposer de tentation face à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette tentation qui va empêcher le fait d'accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, ce sont des fondements principaux, des grands fondements, deux grands fondements autour duquel tourne l'islam. Être épargné des ambiguïtés et être épargné des tentations. Hein? Parce que l'ambiguïté va dénigrer le fait de prendre comme véridique ce qui est arrivé min Allah subhanahu wa ta'ala. Et la tentation va empêcher de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله تصديق خبر الله الذي جاءت به رسول الله الرسل الذين أرسلهم الله جاءوا بأخبار كثيرة أخبروا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه أخبروا عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الملائكة وعن الجن وعن أشياء كثيرة أخبرت بها رسول الله اتباع الهدى أن يصدق المسلم بهذه الأخبار بدون أن يقع في قلبه شبهة تزيل هذا التصديق أو تخلخل هذا التصديق أو تجعل في هذا التصديق اضطرابا أو نحو ذلك أن يكون مصدقا تصديقا كاملا تاما لا شبهة فيه يلجي حفظه الله تعالى le fait de prendre comme véridique ce qu'a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'on ramenait les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'ils ont transmis des annonces que leur a révélé Allah subhanahu wa ta'ala car les prophètes, les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ils ont ramené, ils ont annoncé beaucoup de choses. Ils ont annoncé les noms et les attributs d'Allah, ses bienfaits, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont annoncé le paradis, l'enfer, Sirat, la balance, les anges, le jinn, ils ont annoncé beaucoup de choses. Les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être dans la guidance, c'est de prendre comme véridique tout ce que les messagers ont annoncé. Et qu'il n'y ait aucune ambiguïté qui va venir et empêcher le fait de prendre comme véridique tout ce qu'a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire du messager. Et qu'il n'y ait aucune ambiguïté qui vient ébranler. Cette véracité sur tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé. Ou qui vient perturber cette véracité sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncées par l'intermédiaire de ses messagers. C'est-à-dire, il faut que le musulman soit hicite, prend comme véridique d'une façon complète et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le fait de prendre comme véridique ce qu'a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala. L'amr tani, ta'at wa imtital amr Allah min ghayr i'tirad shahwatin tamna imtital amrihi subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans opposer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala les tentations, ces tentations qui vont empêcher le fait d'accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et qui vont empêcher d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul ولعلكم أيها الإخوة تلاحظون شيئا عظيما هنا وهو أن تصديق الأخبار يقابلها شبهات في هذه الدنيا تقلل وتزعزع في قلب المسلم جانب التصديق فيحتاج المسلم إذا صدق خبر الله أن يدفع كل شبهة تنقض هذا التصديق أو تخل به إلدي حفظه الله تعالى. Et peut-être, frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, vous remarquez quelque chose de très important. C'est que le fait de prendre comme véridique ce qu'annonce Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fait face des ambiguïtés dans ce bas monde qui vont diminuer dans le cœur le fait de prendre comme véridique les annonces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou là, qui vont ébranler cette situation dans le cœur du croyant. Et donc, le musulman a besoin... Quand il a pris comme véridique tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé, il a besoin de repousser toute forme d'ambiguïté qui va diminuer de sa véracité ou qui va ramener des lacunes dans le fait de prendre comme véridique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé. Donc il a besoin de repousser ses ambiguïtés. Il dit l'amr tani, أوامر الله تبارك وتعالى التي جاءت بها رسول الله يقابلها في النفس شهوات وأطماع ومآرب فيحتاج ممتثل أمر الله تبارك وتعالى أن يدفع الشهوات التي تقع في نفسه وتحول بينه وبين امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يدل على deuxième chose, c'est que les ordres de Allah سبحانه وتعالى qu'ont transmis les messagers عليهم الصلاة والسلام fait face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les tentations et les choses que les humains convoitent. Et donc, celui qui veut mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'une force pour repousser ces tentations qui vont être une barrière entre lui et le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a besoin de repousser ces tentations. Et donc, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala leur font face quoi? Les tentations. يقول يقابل التصديق الشبهة التي تخل بالتصديق ويقابل امتثال الأمر الشهوة التي تدفع الإنسان إلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. Il dit, fait face au fait de prendre comme véridique ce qu'a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala, l'ambiguïté qui va venir diminuer ou ébranler ou perturber le fait de prendre comme véridique ce que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les tentations qui poussent l'être humain à être en divergence avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à désobéir. ولهذا يقول ولهذا لماذا يقع كثير من الناس في عدم تصديق خبر الله. Il dit, c'est pour ça pourquoi beaucoup de gens tombent dans le fait de ne pas prendre comme véridique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé. يقول لوجود شبهات في نفوسهم حالت بينهم وبين التصديق. Et il répond, il dit parce que ceux qui ne prennent pas comme véridique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé, ils ont beaucoup en eux-mêmes dans leur cœur, ils ont beaucoup d'ambiguïté, hein, qui sont une barrière entre eux et le fait de prendre comme véridique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé. يقول ولماذا يقع كثير من الناس في مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته لأن في نفوسهم شهوات جانحة دفعتهم إلى الوقوع في معصية الله. Il dit pourquoi beaucoup de gens tombent dans la divergence avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tombent dans la désobéissance parce qu'en nous-mêmes il y a des tentations qui sont très fortes qui les poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ولهذا تصديق الخبر يحتاج إلى دفع الشبهة وطاعة الأمر يحتاج إلى دفع الشهوة. Il dit c'est pour ça que le fait de prendre comme véridique ce que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de repousser l'ambiguïté. Et le fait de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin, nous avons besoin de repousser les tentations. يقول وبهذا يمكن أن نقول إن اتباع هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأمور أربعة. Il dit ainsi, nous disons que suivre la guidance d'Allah ne se fait qu'avec quatre choses qui vont permettre à la personne d'être dans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le livre et de suivre le message alayhi salatu wassalam. L'amr al-awwal tasdiq al-khabar alladhi ja'at bihi ar-rusul. L'amr al-thani امتثال الأمر الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث نفي شبهات الباطل الواردة على القلب المانعة من التصديق. والأمر الرابع دفع شهوات الغي الواردة على القلب المانعة من امتثال أمر الله تبارك وتعالى. Il y a quatre choses qui vont permettre de être dans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre les livres et le messager. Premièrement, c'est le fait de prendre comme véridique tout ce qu'ont annoncé les prophètes alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, c'est de se soumettre aux ordres qu'ont transmis les messagers alayhi salatu wassalam. Troisièmement, c'est de se débarrasser des ambiguïtés fausses qui arrivent vers le cœur, qui sont un empêchement pour prendre comme véridique, hein, qui empêche de prendre comme véridique la quoi, ce qu'ont annoncé les prophètes alayhim salatu wassalam. Quatrièmement, c'est repousser les tentations qui amènent vers la désobéissance, qui arrivent vers le cœur et qui nous poussent à ne pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas obéir. يقول وبهذا يعلم وبهذا يعلم أيها الإخوة أن من أراد اتباع هدى الله تبارك وتعالى يحتاج في اتباعه لأمر الله إلى أمرين. Il dit partons de là, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui veut suivre la guidance d'Allah, il a besoin de deux choses pour suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولاً نفي الشبهات التي تقع في القلب. ثانيا دفع الشهوات التي تقع في قلبه. Premièrement, il a besoin de se débarrasser et de repousser les tentations qui arrivent vers le cœur ou qui sont dans le cœur. Il doit les repousser. Et aussi de repousser des tentations qui arrivent vers le cœur ou qui sont dans le cœur. Il doit les repousser. يقول والشبهات والشهوات هما أصل فساد العبد وانحرافه ووقوعه في الباطل. ليس هناك فساد وباطل وانحراف يقع في الدنيا إلا وسببه إما الشهوات أو الشبهات، وسعادة العبد وفلاحه تكون بدفع الشبهات ورد الشهوات. Il dit, les ambiguïtés et les tentations, ce sont l'origine et le fondement de tout mal chez le serviteur. Sa déviance découle de là. Le fait qu'il tombe dans le faux, qu'il accomplit le faux, découle de là. Il n'y a pas un mal et une déviance dans ce bas monde dont la cause n'est pas les tentations et les ambiguïtés. Et le bonheur du serviteur et sa réussite, c'est le fait de se débarrasser des ambiguïtés et de repousser les tentations. C'est là où il y a sa réussite. يقول وهنا أمر مهم أنبه عليه يتعلق بالشهوة والشبهة، وهذه تتعلق بجانب العلم والمعلومات والفهم والفكر ونحو ذلك، والقوة الأخرى قوة الإرادة والحب، وهذا يتعلق بها جانب العمل. Il dit, il a un point important sur lequel j'attire l'attention, qui a rapport avec les ambiguïtés et qui a rapport avec les tentations. Les ambiguïtés, c'est le côté scientifique, hein? Le côté des données, hein? Le côté de la science, de la compréhension, de la pensée et autres. Ça, c'est la force scientifique, hein? Et de l'autre côté, l'autre force, c'est la force de la volonté et du fait d'aimer. Ah, et ça a un rapport avec les œuvres, la force du vouloir et de la volonté et de l'amour. Il a rapport avec les œuvres, la force de la science et de la pensée, etc. Il a rapport avec les ambiguïtés. كل إنسان فيه هاتان القوتان. Et chaque être humain, il a ces deux forces. قوة الإدراك والنظر, la force de regarder les choses, de les méditer et de les comprendre et de les capter. وقوة الإرادة والحب, et la force de vouloir faire la chose et d'aimer faire la chose. والشبهة عندما تقع في قلب الإنسان تؤثر في جانب القوة العلمية. ولهذا ينشأ عن الشبهة فسادا في العلم, فسادا في التصور, فسادا في الفكر, فسادا في الإدراك, فسادا في العلم بالأشياء ومعرفتها على حقيقتها. لا يستبين شيئا ولا يميز الخبيث من الرذيء, فينشأ فيه فساد في جانب العلم إذا دخلت عليه الشبهة. يلدي حفظه الله تعالى. L'ambiguïté, quand il atteint le cœur, il va influencer le côté scientifique de la personne. C'est pour ça qu'il va en découler du mal dans sa science, du mal dans sa façon d'imaginer les choses, du mal dans sa pensée, du mal dans le fait de capter les situations et de les comprendre. Du mal, il y aura du mal, il n'aura pas la réelle connaissance des choses. Il ne connaîtra pas les choses selon leur réalité, dans leur réalité. Il ne fera pas la part des choses entre l'impur et le pur, le bien et le mal. Hein? Et il va en découler quoi? Le mal dans le côté scientifique de la personne, quand l'ambiguïté a atteint son cœur. يقول أما إذا دخلت الشهوة على القلب فإنها تؤثر فسادا في القوة العملية, فينحرف الإنسان في سلوكه وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي آدابه وفي طاعته لربه تبارك وتعالى. Il dit, quand la tentation rentre dans le cœur de l'être humain, ceci va avoir un impact, un mauvais impact sur la force de ses œuvres. Hein? Il va dévier au niveau de son comportement, au niveau de sa façon de faire les choses et d'accomplir les choses au niveau dans son obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dévier à ce niveau-là. Et le mal va l'atteindre dans, à ce niveau-là, dans la façon de faire, dans les œuvres à l'islam. À tous les niveaux, dans son comportement, dans la façon d'agir, etc. Et dans la façon de obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ولهذا فإن هاتان القوتان اعتدالهما وصلاحهما بصلاح العلم وصلاح العمل. Il dit c'est pour ça que ces deux forces, quand ils sont équilibrés, ils vont être équilibrés comment? Avec une science authentique et avec une bonne œuvre. La science est une science authentique, sûre, dans laquelle il n'y a pas d'ambiguïté, et les œuvres sont faites comme il se doit. Dans ces cas-là, ces deux forces vont être équilibrées chez la personne. فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ صَالِحًا سَلِيمًا قَوِيمًا تَامًا سَلِيمَ لِلْإِنسَانِ قُوَةُ الْإِدْرَاكِ. Quand la science elle est pure, épargné d'ambiguïté. La force de capter les choses, la personne va avoir une grande force à capter les situations, à capter les sujets, à comprendre. وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ صَحِيحًا مُنْطَلِقًا فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَلِمَ الْإِنسَانِ قُوَةُ الْإِرَادَةِ وَقُوَةُ الْحُبِّ سَلِمَ لِلْإِنسَانِ قُوَةُ الْإِرَادَةِ وَقُوَةُ الْحُبِّ وبهذا يكون سلامة الإنسان من الشبهة والشهوة. Il dit quand l'œuvre est une œuvre authentique dont l'origine est le livre et la sunna, donc la force du vouloir et de l'accomplissement et de l'amour va être saine aussi. Et dans ces cas-là, avec ces deux points, il va y voir la personne va être loin des ambiguïtés, loin des tentations. Avec la force de capter quwwat al-idrak et quwwat al-irada ou al-hub. Ainsi, mais tout ceci découle de quoi? D'une science authentique. Qui est l'origine de la bonne œuvre. Mais c'est déjà dans la science il y a l'ambiguïté. Khalas. Et si dans la volonté de la personne, le vouloir de la personne, il y a les tentations, khlas, il va être loin de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, le messager. يقول حفظه الله إذا فسد العلم بسبب الشبهات يكون الإنسان ضالا فيما يقوم به. Il dit حفظه الله تعالى, c'est la science chez la personne est mauvaise à cause de l'ambiguïté, ben l'être humain il va être égaré dans quoi? Dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il accomplit sera égaré. Parce qu'il y a l'ambiguïté dans la science. Et hatta wa in kana fi dhalika mukhalafatu amri Allah tabaraka wa ta'ala mukhalafati rusulihi alayhi salatu wa salam. Et donc même quand ce qu'il accomplit c'est une divergence avec Allah et avec son messager alayhi salatu wa salam. Il sera égaré. Il va justement tomber avec le mauvais de la science. Ben il va tomber justement, ça va le pousser vers le fait d'être en divergence avec Allah et avec son messager alayhi salatu wassalam. Wa li hadha qala Allah subhanahu wa ta'ala fi wasf rasulih sallallahu alayhi wa sallam fi al-Qur'an fi awwal surah an-najm wan-najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى ما ضل هذا شهادة له بتمام العلم وكماله وقوله وما غوى شهادة له صلوات الله وسلامه عليه بكمال العمل وتمامه هذان الوصفان Il dit, حفظه الله تعالى, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son messager ainsi dans sourate Najm, l'étoile, où il dit dans cette traduction approximative par l'étoile à son déclin ou par l'étoile déclinante, votre compagnon ne s'est pas égaré Et il n'a pas été induit en erreur. Hein? Et ça, ça concerne, ces descriptions concernent qui ? Concernent le messager, alayhi salatu wassalam. Il ne s'est pas égaré. Et ça, dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas égaré. C'est une attestation qu'on croit, il a une science qui est parfaite, complète. Il a une science qui est complète. Et dans Omar Rawa, c'est une attestation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme quoi l'œuvre de ce messager, alayhi salatu wassalam, il est complète. Il est accompli comme il se doit. Hein? هذان الوصفان وصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه الراشدين قال عليك عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها. الراشد المهدي لاحظ صفتين راشد ومهدي، فالمهدي ضد الضال والراشد ضد الغاوي. فذكر عليه الصلاة والسلام سلامة خلفائه الراشدين من الغواية ومن الضلالة. الغواية تتعلق بالعمل والضلال يتعلق بالعلم. الضلال يكون سببه الشبهة والغواية يكون سببها الشهوة. Ces deux descriptions que Allah سبحانه وتعالى donné son message عليه الصلاة والسلام, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a décrit si Khalif bien guidé avec ces deux descriptions. Dans le hadith de l'Irbad ibn al-Asari, il a dit, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du Khalif, orienté et bien guidé. Rachidin al-Mahdiin. Mordi dessus. Cramponnez-vous à cette voix-là. Rachid, c'est, il a dit, l'orienté guidé. Hein? Remarque ces deux descriptions. Rachid ou Mahdi. Le Mahdi, c'est le contraire de l'Igari. Le Rachid, c'est le contraire du Ghaoui, celui qui fait mal les choses. Donc il est Rachid parce qu'il fait les choses comme il se doit. Il est Mahdi, il n'est pas Igari. Il est Rachid, donc il n'est pas Ghaoui. Il fait les choses comme il se doit. Et donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit si Khalif bien guidé comme quoi, ils ne seront pas dans le riwaya ni dans l'égarement. C'est-à-dire qu'ils font bien les choses, ils sont bien guidés. Hein? Et le riwaya, il a rapport avec les œuvres. S'égarer au niveau des œuvres, c'est le raoui hada. Il fait mal les choses. Il ne fait pas les choses comme ils doivent être faites. Et dalal, il a rapport avec la science. Yaqulu hafidhahullah, dalal, sa cause, c'est l'ambiguïté. L'égarement, sa cause, c'est l'ambiguïté. Et le riwaya, le fait de ne pas faire les choses comme il se doit, sa cause, c'est quoi? C'est la tentation. فالمهدي الراشد والذي سلمه الله تبارك وتعالى في عمله وعلمه. Il dit, Rashid al-Mahdi, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il a fait que dans sa science il est pur et ses œuvres aussi. Hein? Dans sa science et dans ses œuvres, dans sa science, il n'y a pas d'ambiguïté et dans ses œuvres, il n'y a pas de tentation. Hein? Qui va, la tentation qui va le faire divier, qui ne va pas le laisser faire les choses comme il se doit. يقول هذا المقام العظيم يذكرنا أن التوحيد الذي خلقنا له له جانبان اثنان، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي يصفه أهل العلم بصفة ثانية، توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد الآخر توحيد الإرادة والطلب. Il dit cette noble situation nous rappelle que le monothéisme pour lequel nous sommes créés, il a deux aspects, deux côtés. Le côté scientifique, le monothéisme scientifique, et le monothéisme œuvre, l'accomplissement des œuvres. Le monothéisme, au niveau de la science, les hommes de science lui donnent une autre description. Le monothéisme de la connaissance et de la confirmation. Et l'autre, au niveau des œuvres, le monothéisme de la volonté et de ce qui est demandé. Il t'a été demandé des choses, il doit les accomplir. Le vouloir et la demande. Le monothéisme du vouloir et de la demande. Hein? يقول حفظه الشبهات تلحق التوحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات والشهوة تلحق توحيد الإرادة والثبات والطلب. Il dit et l'ambiguïté atteint le monothéisme scientifique, le monothéisme de la connaissance et de la confirmation. Il est atteint par l'ambiguïté. Et la tentation atteint quoi? Le monothéisme dit au niveau de l'accomplissement des œuvres. Hein? Ce qui est demandé à accomplir, il sera atteint par la tentation. يقول ولهادا يحتاج العبد حتى يتبع هدى الله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في السلامة من الشبهات التي تفسد العلم ومن الشهوة التي تفسد العمل. Il dit pour que le serviteur puisse suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de faire des efforts sur lui-même, des grands efforts et un effort complet pour se débarrasser des ambiguïtés, pour se protéger des ambiguïtés qui vont faire du mal au côté scientifique. Et il a besoin de faire de grands efforts sur lui-même pour combattre les tentations qui font du mal aux œuvres, qui dénigrent les œuvres. فإذا سلم من فساد العلم وسلم من فساد العمل يكون راشدا مهديا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يكون راشدا مهديا إذا سلم من الشبهة وإذا سلم من الشهوة أما إذا وقع في الشبهة صار ضالا وإذا وقع في الشهوة صار غاويا لا يكون راشدا مهديا. Il dit Havidah Allah Ta'ala, quand la personne est épargnée, que le mal n'a pas atteint son côté scientifique, et aussi que le mal n'a pas atteint son côté de l'œuvre, il va être rachid du Mahdi. Hein? Il sera guidé, il fera les choses comme il se doit. Cramponnez-vous à ma voix et à la voix du Khalif bien guidé. Hein? Qui font les choses bien et qui sont bien guidés. Il va être rachid, il va être Mahdi, quand il est débarrassé des ambiguïtés et il est débarrassé des tentations. Mais s'il tombe dans les ambiguïtés, il va être égaré. Et s'il tombe dans les tentations, il va être désobéissant, il ne va pas faire bien les choses, il va être raoui. Et donc, il ne peut pas, avec les ambiguïtés et avec les tentations, il ne peut pas être rachid et Mahdi. Yaqoul. ولهذا لو تتأمل أحوال الناس تجدهم على أقسام. Et pour ça, si tu médites la situation des gens, tu vas les trouver en quatre catégories. قسم منهم غاوي ضال اجتمع فيه الأمران وقسم فيه غواية وقسم فيه الضلال وقسم راشد ومهدي لا غواية فيه ولا ضلال. Et donc si tu médites les gens dit, si tu médites la situation des gens, tu vas trouver que les gens sont des catégories, quatre catégories. La première catégorie, Raoui et égaré en même temps. Ils ont réuni les deux. Ils ne font pas les choses bien et ils ne sont pas dans l'obéissance et ils sont égarés aussi. La deuxième catégorie, ils sont Raoui, ils sont dans la désobéissance. Ils ne font pas les choses bien, ils ne font pas ce qu'il doit être fait, et comme il doit être fait. Et la troisième catégorie, ce sont la catégorie des égarés. Et la quatrième, ce sont ceux qui sont rachidin ou mahdiin. Ils ont ni le riwaya ni le dalal. Ils sont dans la bonne voie. Ils se sont débarrassés des ambiguïtés et des tentations. Yaqul wallahu عز وجل أمر المسلمين أن يتبعوا هداه واتباعه هدى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر ودفع الشبهات ودفع الشهوات. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans qui suivent sa guidance et qu'ils suivent la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le livre et le messager. Et ceci, on ne peut l'atteindre qu'en prenant comme véridique les nouvelles, ce qui nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en repoussant les ambiguïtés et en repoussant les tentations. Yaqul wa la rayba. أن هذا يتطلب من العبد مجاهدة تامة ويحتاج من العبد إلى همة عالية همة ترقيه في الكمال ويحتاج أيضا إلى علم يبصره ويهديه يحتاج همة عالية ترقيه في الكمال في العمل والطاعة وامتثال أمر الله تبارك وتعالى ويحتاج إلى علم نافع صحيح يهديه إلى طريق الحق وطريق الصواب ويميز به بين الحق والباطل. Il dit, حفظه الله تعالى, il n'y a aucun doute que ceci demande du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire un combat complet sur lui-même. Et il a besoin que la personne ait une grande volonté et une haute aspiration. Cette aspiration qu'il va le faire, hein, qui va l'amener vers le fait d'être parfait, d'être complet. Et il a besoin d'une science qui va lui donner la clairvoyance et qui va le guider. Et il a besoin d'une grande volonté qui va le compléter dans les œuvres et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a besoin d'une science bénéfique authentique, qui va le guider vers la voie de la vérité, hein, et qui va lui permettre de faire la part des choses entre le vrai et le faux. يقول فمن الناس من لا يكون له علم بهذه الأمور فيتحرك في طلبها علم بأسباب السعادة ليس عنده علم بهذه الأشياء فلا يكون عنده في قلبه تحرك في طلب هذه الأشياء أو يكون له علم عنده علم بهذه الأشياء عنده علم بالجنة والنعيم والتواب ووجوب اتباع الهدى لكن ليس له همة تدفعه إلى طلب هذه الأشياء. Il dit, il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses. Il bouge pour les avoir. C'est-à-dire, il ne connaît pas les causes qui vont lui prévaloir son bonheur. Il ne les connaît pas. Et donc, dans son cœur, il n'y a pas quelque chose qui le motive à demander ces choses. Ou alors, il y a des gens qui ont une science. Ils connaissent ces choses. Ils savent des choses sur le paradis, sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur l'obligation de suivre la guidance. Mais il n'est pas motivé. Il n'y a pas une motivation qui le pousse à demander ces choses. Il dit, « وَالنَّاسُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ » Et les gens sont deux catégories. « قِسْمٌ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مَا عَلِمَ مَا عَرَفَ أَنَّ هُنَاكَ جَنَّةٌ وَهُنَاكَ نَارٌ وَهُنَاكَ عِقَابٌ وَهُنَاكَ وُجُوبُ اتِّبَاعٍ لِهُدَى اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ أَصْلًا أو وصله العلم بهذه الأشياء بصورة ملبسة وغير واضحة فهذا لا يتحرك في طلب هذه الأشياء لأنه لا علم له بها. La première catégorie, la catégorie qui ne connaît pas, qui ne sait pas qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer et qu'il y a le châtiment et qu'il y a le fait, l'obligation de suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucune science sur tout ça. Il ne le connaît pas. Ou alors, la connaissance qui lui est arrivée sur ces choses, il est ambigu, déguisé, n'est pas clair. Et dans ce cas-là, celui-là, il ne va pas bouger à aller chercher le paradis, les récompenses, etc. Parce qu'il n'a aucune science là-dessus. Il ne sait pas ce que c'est réellement. « Il dit, « Et le troisième » عنده علم يعرف أن اتباع الهدى واجب ويعرف أن هناك جنة ونار وعقاب وأشياء من هذا القبيل يعلم، لكن ليس عنده همة يتحرك بها في طلب المعالي، يتحرك بها في نيل الخير، يتحرك بها لينال رضا الله تبارك وتعالى. دي ان دوزيام كاتيجوري كي سي كي ا لوبليغاسيون دو سويفر لا غيدونس د الله كو سي اوبليغاتوار اي كوني اي سي سكو سي كل بارادي لونفير لو شاتيمون لي ريكومبونس اي كوني تو سا مي لا با اين موتيفاسيون يا با د موتيفاسيون كي لفي بوجي بور اتاندر سي شوز لا pour avoir ce grand bienfait, hein, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ولهذا يحتاج العبد الى امرين كما قدمت، يحتاج العبد الى همة عالية ترقيه في طريق الكمال، ويحتاج الى علم وبصيرة تهديه الى طريق الصواب. وهذا il dit hafidhahullah ta'ala, c'est pour ça que le serviteur il a besoin de deux choses, comme il l'a dit auparavant. Il a besoin d'une grande motivation qui va le faire évoluer dans la voie d'atteindre le bien et d'atteindre, hein, le complet. Et il a besoin aussi d'une science et d'une clairvoyance qui le guide vers la voie de la vérité. يقول وهذا يعيدنا إلى ما سبق التحدث عنه وهو البعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات. Il dit ça, ça nous ramène à revenir vers le fait de parler des choses que nous avons citées auparavant, qui est le fait de s'éloigner des ambiguïtés et le fait de s'éloigner des tentations. Hein? Nous allons arrêter là, inshallah. Hein, on fait salat l'Aïcha, inshallah. Et après, ceux qui veulent, restent, on termine, inshallah, dans une science qui sera courte, ce qui reste, inshallah. Parce que ce qui reste est très important aussi, comment Shaitan s'immisce dans l'esprit du serviteur. Et comment Shaitan fait que le serviteur ne suit pas la guidance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on arrête cette deuxième séance ici, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakum Allahu khairan.